11e lettre. Le château d'Ermenonville, les Illuminés, le roi de Prusse, Gabriel et Rousseau, les tombes, les abbés de Chaalis. En quittant Chaalis, il y a encore à traverser quelques bouquets de bois, puis nous entrons dans le désert. Il y a assez de désert pour que, du centre, on ne voit point d'autre horizon. Pas assez pour qu'en une demi-heure de marche, on arrive au passage le plus calme, le plus charmant du monde. Une nature suisse découpée au milieu du bois, par suite de l'idée qu'a eue René de Girardin d'y transplanter l'image du pays dont sa famille était originaire. Quelques années avant la Révolution, le château d'Ermenonville était le rendez-vous des Illuminés, qui préparaient silencieusement l'avenir. Dans les soupers célèbres d'Ermenonville, on a vu successivement le comte de Saint-Germain, Mesmer et Cagliostro, développant dans des causeries inspirées des idées et des paradoxes dont l'école dite de Genève hérita plus tard. Je crois bien que M. de Robespierre, le fils du fondateur de la loge écossaise d'Arras, tout jeune encore, peut-être encore plus tard, Sénancour-Saint-Martin, Dupont de Nemours et Cazotte, vinrent exposer, soit dans ce château, soit dans celui de Le Pelletier de Morfontaine, les idées bizarres qui se proposaient, les réformes d'une société vieillie, laquelle, dans ses modes mêmes, avec cette poudre qui donnait au plus jeune front un faux air de la vieillesse, indiquait la nécessité d'une complète transformation. Saint-Germain appartient à une époque antérieure, mais il est venu là. C'est lui qui avait fait voir à Louis XV, dans un miroir d'acier, son petit-fils sans tête, comme Nostradamus avait fait voir à Marie de Médicis les rois de sa race, dont le quatrième était également décapité. Ceci est de l'enfantillage. Ce qui révèle les mystiques, c'est le détail rapporté par Beaumarchais que les Prussiens, arrivés jusqu'à Verdun, se replièrent tout à coup d'une manière inattendue, d'après l'effet d'une apparition dont leur roi fut surpris, et qui lui fit dire « N'allons pas outre », comme en certains cas disaient les chevaliers. Les illuminés français et allemands s'entendaient par des rapports d'affiliation. Les doctrines de Westhout et de Jacob Böhm avaient pénétré chez nous, dans les anciens pays francs, et bourguignons, par l'antique sympathie et les relations séculaires des races de même origine. Le premier ministre du neveu de Frédéric II était lui-même un illuminé. Beaumarchais suppose qu'à Verdun, sous couleur d'une séance de magnétisme, on fit apparaître devant Frédéric Guillaume son oncle, qui lui aurait dit « retourne », comme le fit un fantôme à Charles VI. Ces données bizarres confondent l'imagination. Seulement, Beaumarchais, qui était un sceptique, a prétendu que pour cette scène de fantasmagorie, on fit venir de Paris l'acteur Fleury, qui avait joué précédemment aux Français le rôle de Frédéric II, et qui aurait ainsi fait illusion au roi de Prusse, lequel depuis se retira, comme on sait, de la confédération des rois ligués contre la France. Les souvenirs des lieux où je suis m'oppressent moi-même, de sorte que je vous envoie tout cela au hasard, mais d'après des données sûres. Un détail plus important à recueillir, c'est que le général prussien, qui dans nos désastres de la Restauration prit possession du pays, ayant appris que la tombe de Jean-Jacques Rousseau se trouvait à Ermenonville, exempta toute la contrée, depuis Compiègne, des charges de l'occupation militaire. C'était, je crois, le prince d'Anhalt. Souvenons-nous au besoin de ce trait. Rousseau n'a séjourné que peu de temps à Ermenonville. S'il a accepté un asile, c'est que depuis longtemps, dans les promenades qu'il faisait en parlant de l'ermitage de Montmorency, il avait reconnu que cette contrée présentait à un herborisateur des familles de plantes remarquables, dues à la variété des terrains. Nous sommes allés descendre à l'auberge de la Croix-Blanche, où il demeura lui-même quelque temps à son arrivée. Ensuite, il logea encore de l'autre côté du château, dans une maison occupée aujourd'hui par un épicier. Monsieur René de Girardin lui offrit un pavillon inoccupé, faisant face à un autre pavillon qu'occupait le concierge du château. Ce fut là qu'il mourut. En nous levant, nous allâmes parcourir les bois, encore enveloppés des brouillards d'automne, que peu à peu nous vîmes se dissoudre, en laissant reparaître le miroir azuré des lacs. J'ai vu de pareils effets de perspective sur des tabatières du temps. Je revis l'île des Peubliers, au-delà des bassins qui surmontent une grotte factice, sur laquelle l'eau tombe, quand elle tombe. Sa description pourrait se lire dans les idylles de Gessner. Les rochers qu'on rencontre en parcourant les bois sont couverts d'inscriptions poétiques. Ici, sa masse indestructible a fatigué le temps. Ailleurs, ce lieu sert de théâtre aux courses valeureuses, qui signalent du cerf les fureurs amoureuses, ou encore avec un bas-relief représentant des druides qui coupent le gui. Tels furent nos aïeux dans leur bois solitaire. Ces vers ronflants me semblent être de rouchers. de l'île les aurait fait moins solides. M. René de Girardin faisait aussi des vers. C'était en outre un homme de bien. Je pense qu'on lui doit les vers suivants, sculptés sur une fontaine d'un endroit voisin, que surmontent un Neptune et une Amphitrite légèrement décolletée, comme les anges et les saints de Chalice. Des bords fleuris où j'aimais à répandre le plus pur cristal de mes eaux. Passant, je viens ici me rendre au désir, aux besoins de l'homme et des troupeaux. En puisant les trésors de mon urne féconde, songe que tu les dois à des soins bienfaisants. Puis sais-je n'abreuver du tribut de mes ondes que des mortels paisibles et contents. Je ne m'arrête pas à la forme des vers. C'est la pensée d'un honnête homme que j'admire. L'influence de son séjour est profondément sentie dans le pays. Là, ce sont des salles de danse, où l'on remarque encore le banc des vieillards. Là, des tirs à l'arc, avec la tribune d'où l'on distribuait des prix. Au bord des eaux, des temples ronds, à colonnes de marbre, consacrés soit à Vénus génitrice, soit à Hermès consolateur. Toute cette mythologie avait alors un sens philosophique et profond. La tombe de Rousseau est restée telle qu'elle était, avec sa forme antique et simple. Et les peupliers, effeuillés, accompagnent encore d'une manière pittoresque le monument qui se reflète dans les eaux dormantes de l'étang. Seulement, la barque qui y conduisait les visiteurs est aujourd'hui submergée. Les cygnes, je ne sais pourquoi, au lieu de nager gracieusement autour de l'île, préfèrent se baigner dans un ruisseau d'eau bourbeuse, qui coule dans un rebord entre des saules aux branches rougeâtres, et qui aboutit à un lavoir situé le long de la route. Nous sommes revenus au château. C'est encore un bâtiment de l'époque de Henri IV, refait vers Louis XV, et construit probablement sur des ruines antérieures, car on a conservé une tour crénelée qui jure avec le reste, et les fondements massifs sont entourés d'eau, avec des poternes et des restes de pont-levis. Le concierge ne nous a pas permis de visiter les appartements parce que les maîtres y résidaient. Les artistes ont plus de bonheur dans les châteaux princiers, dont les hôtes sentent qu'après tout, ils doivent quelque chose à la nation. On nous laissa seulement parcourir les bords du Grand Lac, dont la vue à gauche est dominée par la tour dite de Gabriel, reste d'un ancien château. Un paysan qui nous accompagnait nous dit « Voici la tour où était enfermée la belle Gabrielle. Tous les soirs, Rousseau venait pincer de la guitare sous sa fenêtre, et le roi, qui était jaloux, le guettait souvent et a fini par le faire mourir. » Voilà pourtant comment se forment les légendes. Dans quelques centaines d'années, on croira cela. Henri IV, Gabriel et Rousseau sont les grands souvenirs du pays. On a confondu déjà, à 200 ans d'intervalle, les deux souvenirs, et Rousseau devient peu à peu le contemporain d'Henri IV. Comme la population l'aime, elle suppose que le roi a été jaloux de lui, et trahi par sa maîtresse, en faveur de l'homme sympathique aux races souffrantes. Le sentiment qui a dicté cette pensée est peut-être plus vrai qu'on ne le croit. Rousseau, qui a refusé 100 louis de Madame de Pompadour, a ruiné profondément l'édifice royal, fondé par Henri. Tout a croulé. Son image immortelle demeure debout sur les ruines. Quant à ses chansons, dont nous avons vu les dernières à Compiègne, elles célébraient d'autres que Gabriel. Mais le type de la beauté n'est-il pas éternel comme le génie ? En sortant du parc, nous nous sommes dirigés vers l'église, située sur la hauteur. Elle est fort ancienne, mais moins remarquable que la plupart de celles du pays. Le cimetière était ouvert. Nous y avons vu principalement le tombeau de Devy, ancien compagnon d'armes de Henri IV, qui lui avait fait présent du domaine d'Ermenonville. C'est un tombeau de famille dont la légende s'arrête à un abbé. Il reste ensuite des filles qui s'unissent à des bourgeois. Tel a été le sort de la plupart des anciennes maisons. Deux tombes plates d'abbés, très vieilles, dont il est difficile de déchiffrer les légendes, se voient encore près de la terrasse. Puis, près d'une allée, une pierre simple sur laquelle on trouve inscrit « Sigi Almazor ». Est-ce un fou ? Est-ce un laquais ? Est-ce un chien ? La pierre ne dit rien de plus. Du haut de la terrasse du cimetière, la vue s'étend sur la plus belle partie de la contrée. Les eaux miroitent à travers les grands arbres roux, les pins et les chênes verts. Les grès du désert prennent à gauche un aspect druidique. La tombe de Rousseau se dessine à droite, et plus loin, sur le bord, le temple de marbre d'une déesse absente, qui doit être la vérité. Ce dut être un beau jour que celui où une députation, envoyée par l'Assemblée nationale, vint chercher les cendres du philosophe pour les transporter au Panthéon. Lorsqu'on parcourt le village, on est étonné de la fraîcheur et de la grâce des petites filles. Avec leurs grands chapeaux de paille, elles ont l'air de Suissesses. Les idées sur l'éducation de l'auteur Émile semblent avoir été suivies. Les exercices de force et d'adresse, la danse, les travaux de précision encouragés par des fondations diverses ont donné sans doute à cette jeunesse la santé, la vigueur et l'intelligence des choses utiles. J'aime beaucoup cette chaussée, dont j'avais conservé un souvenir d'enfance, et qui, passant devant le château, rejoint les deux parties du village, avant quatre tourbasses à ses deux extrémités. Sylvain me dit « Nous avons vu la tombe de Rousseau. Il faudrait maintenant gagner Dammartin, où nous trouverons des voitures pour nous mener à Soissons, et de là à Longueval. Nous allons nous informer du chemin aux laveuses qui travaillent devant le château. Allez tout droit par la route à gauche, nous dirent-elles, ou également par la droite. Vous arriverez soit à Vert, soit à Ève. Vous passerez par Otis, et en 2 heures de marche, vous gagnerez Dammartin. » Ces jeunes filles fallacieuses nous firent faire une route bien étrange. Il faut ajouter qu'il pleuvait. La route était fort dégradée, avec des ornières pleines d'eau, qu'il fallait éviter en marchant sur les gazons. D'énormes chardons qui nous venaient à la poitrine, chardons à demi gelés mais encore vivaces, nous arrêtaient quelquefois. Ayant fait une lieue, nous comprîmes que ne voyant ni Vert, ni Ève, ni Otis, ni seulement la plaine, nous pouvions nous être fourvoyés. Une éclaircie se manifesta tout à coup à notre droite, quelqu'une de ces coupes sombres qui éclaircissent singulièrement les forêts. Nous aperçûmes une hutte fortement construite en branches rechampies de terre, avec un toit de chaume tout à fait primitif. Un bûcheron fumait sa pipe devant la porte. « Pour aller à Vert, vous en êtes bien loin. En suivant la route, vous arriverez à Montabit. Nous demandons Vert ou Ève. Eh bien, vous allez retourner. Vous ferez une demi-lieue. On peut traduire cela si l'on veut en mettre à cause de la loi. Puis, arrivé à la place où l'on tire l'arc, vous prendrez à droite. Vous sortirez du bois, vous trouverez la plaine, et ensuite tout le monde vous indiquera Vert. » Nous avons retrouvé la place du tir avec sa tribune et son hémicycle destiné aux 7 vieillards. Puis nous nous sommes engagés dans un sentier qui doit être fort beau quand les arbres sont verts. Nous chantions encore, pour aider la marche et peupler la solitude, quelques chansons du pays. La route se prolongeait comme le diable. Je ne sais trop jusqu'à quel point le diable se prolonge. Ceci est la réflexion d'un Parisien. Sylvain, avant de quitter le bois, chanta cette ronde de l'époque de Louis XIV. C'était un cavalier qui revenait de Flandre. Le reste est difficile à raconter. Le refrain s'adresse au tambour et lui dit « Battez la générale jusqu'au point du jour ». Quand Sylvain, homme taciturne, se met à chanter, on n'en est pas quitte facilement. Il m'a chanté je ne sais quelle chanson des moines rouges qui habitaient primitivement chez Alice. Quels moines ! C'étaient des templiers. Le roi et le pape se sont entendus pour les brûler. Ne parlons plus de ces moines rouges. Au sortir de la forêt, nous nous sommes trouvés dans les terres labourées. Nous emportions beaucoup de notre patrie à la semelle de nos souliers, mais nous finissions par le rendre plus loin dans les prairies. Enfin, nous sommes arrivés à Vert. C'est un gros bourg. L'hôtesse était aimable et sa fille fort avenante, ayant de beaux cheveux châtains, une figure régulière et douce, et ce parler si charmant des pays de brouillard, qui donne aux plus jeunes filles des intonations de contralto par moment. « Nous voilà, mes enfants, dit l'hôtesse. Eh bien, on va mettre un fagot dans le feu. Nous vous demandons un souper sans indiscrétion. » « Voulez-vous, dit l'hôtesse, qu'on vous fasse d'abord une soupe à l'oignon ? Cela ne peut pas faire de mal, et ensuite ? Ensuite, il y a aussi de la chasse. » Nous vîmes là que nous étions bien tombés. Sylvain a un talent, c'est un garçon pensif, qui, n'ayant pas eu beaucoup d'éducation, se préoccupe pourtant de parfaire, ce qu'il n'a reçu qu'imparfait, du peu de leçons qui lui ont été données. Il a des idées sur tout. Il est capable de composer une montre ou une boussole. Ce qui le gêne dans la montre, c'est la chaîne, qui ne peut se prolonger assez. Ce qui le gêne dans la boussole, c'est que cela fait seulement reconnaître que l'aimant polaire du globe attire forcément les aiguilles, mais que, sur le reste, sur la cause et sur les moyens de s'en servir, les documents sont imparfaits. L'auberge un peu isolée, mais solidement bâtie, où nous avons pu trouver asile, offre à l'intérieur une cour à galerie d'un système entièrement valaque. Sylvain a embrassé la fille, qui est assez bien découplée, et nous prenons plaisir à nous chauffer les pieds en caressant deux chiens de chasse, attentifs aux tournebroches, qui est l'espoir d'un souper prochain.